ce vendredi au Palmarès C'est fou. De nouvelles pièces d'Alexandre Desilets, Prince en Vallière, Fine Frenzy, D-Mannequin et Two Hours Traffic. Et on saura si Ariel et Metric sont toujours numéro 1. Les Palmarès C'est fou, c'est vendredi 17h.